Tu ne l'as pas vu? Non, mais je vais te raconter un conte. Écoute-moi. Il y avait une fois une petite fille très belle, juste comme moi, et qui s'appelait Tonita, tout comme moi. Et alors, il y avait un sous-commandant très méchant qui voulait lui couper la tête avec sa machette. Et pourquoi il voulait lui couper la tête? Je tentais en vain de reprendre le contrôle de la situation. Allez savoir, je crois que ça lui est venu à l'idée comme ça. Et alors, bon, la petite fille s'est glissée en cachette dans la petite maison de ce sous-commandant. Et alors, elle a pris la machette de ce sous-commandant et l'a jetée dans les cabinets. C'est fini. Tonita dit ce « c'est fini » déjà bien hors de ma portée. Bon, eh bien, je crois que je sais où est ma machette. Il n'y a plus qu'à la récupérer. Il y a un ou une volontaire? C'est fini! Le film dans la foulée, vous voulez présenter un peu, peut-être, non? Juste le présenter, alors. Oui. Maintenant, on va projeter un extrait du making-of de Zoé Zapato, qui était un spectacle qu'on a monté en 1999 et qu'on a tourné jusqu'en 2005, d'abord avec les enfants de Belleville et ensuite avec les enfants de Mantes-la-Jolie. Et ce making-of, il raconte un petit peu les coulisses du spectacle. Et surtout, ce qu'on a choisi, c'est la partie qui montre l'aventure commune qu'on a eue avec le Mexique au moment de la grande marche pour la dignité indigène, pour les couleurs de la terre. Voilà. Toujours aimé, c'est John Berger qui n'a pas pu être avec nous, nous le regrettons. Je vais demander à Jérôme Bachet d'abord de se présenter en deux mots, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas quand même, il y a peut-être des gens qui sont arrivés depuis ce matin. Ben, vous dites non, parce que chacun pense toujours à partir de lui-même. Et c'est embêtant parce que c'est bien qu'on se connaisse tous. Il y a peut-être au moins une personne qui ne connaît pas une personne d'entre nous. Et c'est bien qu'on se connaisse tous. Alors moi, je m'appelle Aline Paillet, pour aller très vite. Mon travail, c'est de faire des émissions à France Culture, entre autres. Mais je ne suis pas là à ce titre-là, malheureusement, parce que les médias français ne s'intéressent pas beaucoup et même censurent cette question-là, entre autres. Mais je suis là à titre personnel, comme militante, à titre collectif, avec un collectif qui s'appelle Grain de Sable, et à titre collectif, parce que je pense que l'expérience zapatiste, et je ne sais pas ce qu'elle a apporté pour chacun, pour les zapatistes, comme ça a été demandé ce matin, mais je sais ce qu'elle a apporté à nous tous et ce qu'elle continue d'apporter à nous tous, ne serait-ce que de nous réunir aujourd'hui, de cette manière-là et d'autres fois, pour nous permettre de penser de ce côté-là aussi à comment avancer, comment faire. Voilà. Jérôme, tu vas te présenter aussi et peut-être, non pas nous dire ni un résumé ni une synthèse, mais quand même, qu'est-ce qui s'est dit là-bas qui nous parle aujourd'hui ici? Donc, je suis Jean Bachet, je fais partie du collectif Grain de Sable en France et d'autres collectifs au Mexique. Depuis environ 18 ans, je partage ma vie entre la France et le Chiapas. Alors effectivement, j'ai choisi de parler non pas de certains aspects de l'expérience zapatiste dont on a beaucoup parlé depuis ce matin, mais de centrer cette courte intervention sur la dernière des initiatives des zapatistes, qui est donc ce séminaire, La pensée critique face à l'hydre capitaliste, qui s'est tenue à Oventic et à San Cristóbal de las Casas, à l'Université de la Terre, au début du mois de mai, pendant une semaine, donc une semaine de réflexion. Environ 2000 personnes ont assisté à cette rencontre. Une cinquantaine d'intervenants ont présenté leurs réflexions en présence d'une délégation zapatiste importante, puisqu'elle comprenait notamment les deux sous-commandants, Galeano et Moïsès, qui alternaient dans leur prise de parole, chacun parlant une fois au cours de chaque demi-journée. Donc beaucoup de présents, des gens comme Emmanuel Wallerstein, Raoul Zibeki, John Holloway, les personnes ici présentes que Aline vient de mentionner, plus une participation de Tamer Antong, non pas en présence physique, mais à travers une vidéo qui a été extrêmement appréciée, qui était tout à fait bien faite, qui nous a donné des éléments de diagnostic sur la situation en France, qui était extrêmement précieux pour le séminaire. Une autre participation qui était très importante à mentionner, c'était la présence de représentants de la lutte du peuple kurde. On a beaucoup parlé au cours des derniers mois, dernières semaines, d'un parallèle qu'on pouvait faire entre la lutte et l'expérience de la construction politique zapatiste d'un côté et ce qui se construit aussi au Kurdistan. Et donc le contact qui s'est fait, donc ce parallèle, cette affinité est ancienne, mais le contact direct ne s'était jamais réalisé et il s'est produit au cours de cette rencontre, ce qui était donc très, très important. Et donc je vais expliquer pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette rencontre. J'ajoute juste que la rencontre elle-même a été précédée par un double hommage à deux personnes disparues l'année dernière, donc le maestro de la petite école Galeano et le philosophe Luis Villoro, dont Fernanda était, qui était le compagnon de Fernanda, et donc elle a également participé à cet hommage. C'était donc un double hommage qui a été extrêmement fort, extrêmement émouvant, qui s'est déroulé à Oventic, et donc qui a rassemblé aussi, c'est un symbole assez remarquable, donc deux personnes, un zapatiste Galeano qui est devenu un maître, un maestro, un maître de la petite école, et Luis Villoro qui était un grand philosophe universitaire qui est lui au cours de sa vie, comme nous l'a raconté le sous-commandant Galeano, qui est devenu zapatiste. Et donc ils ont réussi à entrelacer en quelque sorte, c'est aussi un peu le destin qui a voulu ça, ces deux figures. Et ça représente d'une certaine manière l'esprit de cette rencontre. Cette rencontre, c'est donc un appel en fait que les zapatistes ont lancé à la réflexion critique. Ça s'appelle la pensée critique face à l'hydre capitaliste. Donc un appel à la réflexion critique de la part d'un mouvement dont on pouvait se dire qu'il n'avait pas forcément besoin de faire appel à d'autres pour produire sa propre réflexion théorique, puisque les zapatistes ont démontré depuis au moins 20 ans qu'ils étaient largement capables de produire eux-mêmes leurs propres réflexions, leurs propres analyses, leurs propres théories. Mais là, dans le contexte spécifique d'aujourd'hui, c'est ce dont je vais parler dans un moment, ils ont considéré qu'ils avaient besoin justement de lancer un appel le plus large possible, au-delà d'eux, à tous ceux qui pouvaient apporter quelque chose à un effort de réflexion, d'analyse de la situation actuelle, des évolutions, des dynamiques les plus récentes du système capitaliste, des situations de crise et des difficultés de plus en plus grandes face auxquelles nous nous trouvons. Et du coup, ils ont produit quelque chose qui me semble assez intéressant en termes d'articulation entre l'action politique, la pratique. Et là-dessus, on peut considérer qu'ils ont fait leur part, quand même, depuis 20 ans, largement, mais d'articuler ça avec la nécessité de la réflexion théorique générale. Pas de théorie sans pratique, pas de pratique sans théorie, c'est évidemment ce qu'ils ont cherché à affirmer, et ils l'ont affirmé aussi de manière concrète dans la forme qu'a pris le séminaire, puisque à la fois donc un certain nombre de penseurs, d'intellectuels, d'universitaires, ceux que j'ai mentionnés, mais beaucoup d'autres, étaient invités donc à présenter leurs réflexions, leurs analyses. Tout cela, mais en entrelaçant tout ça avec les prises de parole, notamment du sous-commandant Moïsès, qui racontait de manière très concrète l'expérience de l'autonomie, ce qui est un exercice que les apatistes ont fait déjà plusieurs fois, à plusieurs occasions, dans différentes rencontres. Mais là, c'est en l'occurrence le principal responsable actuel de l'EZLN, le sous-commandant Moïsès, qui était chargé de nous livrer, de nous faire partager cette expérience. Il l'a fait d'une manière particulièrement remarquable, d'une part par un caractère extrêmement concret, comme toujours quand parlent les apatistes, mais encore plus en entrant vraiment dans le détail des situations concrètes qui se présentent dans les communautés dans ce processus de construction de l'autonomie dont on a parlé depuis ce matin, c'est-à-dire ce qui inclut aussi des difficultés, des obstacles, des échecs, et donc en donnant à sentir le caractère concret et donc la difficulté aussi de cette construction de l'autonomie. Et avec aussi une dimension autocritique qui est présente, on en a parlé également ce matin, mais encore plus marquée peut-être, m'a-t-il semblé, qu'à d'autres occasions, en répétant de manière absolument insistante, mais surtout, n'idéalisez pas le zapatisme. Et donc c'est le sous-commandant Moïsès qui n'a cessé de nous mettre en garde de ce point de vue-là. Voilà, donc cette articulation entre la théorie et la pratique m'a paru un point vraiment tout à fait remarquable. Et donc en insistant sur le fait que cette réflexion théorique est nécessaire pour eux, pour dans ce moment particulier, et pour penser ce qui suit pour eux, et peut-être pour nous tous. Donc ce séminaire a eu lieu, donc une semaine de réflexion partagée, mais l'affaire n'est pas finie, puisqu'ils ont lancé l'idée que sur ce thème, la pensée critique face à l'hydre capitaliste, eh bien, pouvait s'ouvrir une période de séminaires disloqués, de séminaires dispersés un peu partout, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. Et donc c'est quelque chose qui a été lancé, une proposition qui est lancée en direction de nous tous, de la Sexta, justement, dont on va peut-être parler, et de tous ceux qui peuvent s'intéresser à cette perspective pour approfondir nos réflexions sur la situation de crise dans laquelle nous sommes et sur les modes d'action et d'organisation possibles dans cette situation. Donc c'est un appel qui a été lancé et on verra si les uns et les autres, où que nous soyons, nous sommes en mesure de répondre à cet appel. Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est la métaphore de l'hydre. On ne va pas faire un peu de la mythologie, ce n'est pas la peine, mais je souligne juste ce sur quoi ils ont insisté à propos de cette métaphore de l'hydre. Évidemment, c'est la plasticité de notre ennemi commun, qui est le capitalisme, c'est-à-dire sa capacité à, bien qu'on l'attaque, bien qu'on parvienne parfois à certaines victoires, couper une tête par-ci, une autre par-là, mais évidemment, le problème avec l'hydre, c'est que les têtes repoussent, et donc cette capacité à se régénérer, y compris à partir des attaques qui sont lancées contre lui, est une caractéristique importante. L'autre caractéristique importante, c'est évidemment la multiplicité, donc c'est un animal qui se caractérise par ce fait d'avoir plusieurs têtes, et ça a aussi des conséquences sur la manière d'envisager l'action contre lui, puisque ce sur quoi ils ont voulu insister, c'est le fait qu'il n'y a pas une seule tête, il n'y a pas un seul aspect, c'est une domination multiforme qui touche les aspects les plus divers de la vie, et donc ce serait une erreur dans nos démarches, dans nos stratégies, de se concentrer sur un seul aspect, de faire prévaloir un seul aspect de la lutte contre le capitalisme. Cette lutte doit être donc également multiforme et prendre en compte cette diversité, cette multiplicité des formes de domination qui caractérisent le capitalisme. Il me semble que c'est un point également important. Et puis évidemment, le dernier point, c'est que l'hydre du mythe, c'est un animal terrifiant, destructeur, mais pas invincible. Donc il y a à la fois l'apparente toute puissance et, sous réserve que nous soyons capables d'avoir l'intelligence de trouver les failles et les techniques adéquates de lutte contre lui, on peut penser qu'il n'est, quoi qu'il en paraisse, pas invincible. Le principal du séminaire, c'est un message sur ce que les apatistes voient Et donc ils nous ont expliqué dans l'invitation au séminaire et puis ensuite pendant cette semaine qu'en quelque sorte ils ont grimpé en haut du mât du navire dans lequel nous nous trouvons tous, et ce qu'ils ont vu s'approcher, c'est une tempête encore plus terrible que celle dans laquelle nous sommes déjà actuellement. Le problème ici, c'est que sans doute pour beaucoup d'entre nous, ça semble difficile à croire. On réagit spontanément en se disant ben, on est déjà dans la tempête, on est déjà dans les formes de destruction multiples que provoque la domination capitaliste, et il est difficile de croire, et plus encore peut-être dans le Mexique d'Ayotzinapa, que les choses pourraient être encore pires. Mais le message néanmoins est bien celui-là: effectivement, ce qui s'approche pour les apatistes est pire encore que ce que nous connaissons déjà. Et ils nous ont expliqué qu'à partir de ce constat, ils ont décidé deux choses. Une chose pour eux, qui est de s'organiser en conséquence. Ils ont dit, bon, mais ça, c'est pas très difficile, parce qu'on a l'habitude, d'une certaine manière, on se prépare déjà à ça depuis longtemps, on ne fait que ça depuis 20 ou 30 ans. Il s'agit de continuer dans cette démarche propre d'organisation face à des situations toujours très menaçantes. Et la deuxième chose qu'ils ont décidé, c'était de partager ce diagnostic avec nous. Et ils ont dit principalement avec nos compagnons de la Sexta. Mais évidemment, pour l'instant, on ne sait pas encore très bien ce que c'est que la Sexta, donc on ne sait pas qui est dedans, qui n'y est pas. C'est à entendre au sens large de tous ceux qui peuvent se reconnaître dans les propositions, les positions que défendent les apatistes et beaucoup d'autres avec eux. Et donc de partager cet avis de tempête, et donc de nous inciter aussi, nous, à réfléchir, à approfondir nos capacités d'analyse et d'action et d'organisation en fonction de cet avis de tempête. Le fait qu'ils aient dit explicitement qu'ils souhaitaient partager ce constat, ce diagnostic, cet avis de tempête, encore une fois, avec la Sexta, me semble significatif par rapport aux discussions qu'on a commencé à avoir ce matin. 2 minutes ? Il n'y a pas de compte. Ah bon. Voilà. Alors, en quoi consiste exactement le... Je finis en 2-3 minutes. L'analyse qu'ils ont adoptée principalement est celle d'une crise extrêmement profonde du système capitaliste. Ils se sont référés de manière explicite et spécifique aux analyses que soutient depuis longtemps maintenant déjà Emmanuel Wallerstein sur une situation d'une crise structurelle du système capitaliste, voire une étape finale de cette crise structurelle. Ils ont insisté évidemment sur la gravité de la crise financière et économique dans laquelle se trouve plongé le monde actuel depuis au moins 2008-2009. Les conséquences de la crise de 2008-2009 ne sont évidemment pas terminées, et il est hautement probable qu'elles rebondissent prochainement, sans parler même de la question grecque dont on ne parlait pas au moment du séminaire, enfin pas dans les termes d'aujourd'hui. Tout ça se combinant avec la crise écologique, sur laquelle ils ont également insisté, et sur la perte de légitimité de l'ensemble des institutions, principalement de la classe politique, des partis politiques, des institutions, de la démocratie formelle, dont le degré de délégitimation est absolument profond au Mexique et ailleurs, très, très largement. On pourrait, c'est un peu les points sur lesquels ils ont, il n'y a pas de surprise, simplement sur ces points-là, disons simplement que c'est une invitation à approfondir l'analyse, la réflexion, nos réflexions sur les dynamiques actuelles de crise, et je pense qu'ils n'ont peut-être pas tort de nous appeler à revenir sur ces questions dont on n'a pas cessé de discuter, mais sur lesquelles il y a des points de divergence, des débats en cours, et donc une intensification de ces réflexions serait tout à fait judicieuse. Le point central, c'est vraiment simplement ça sur lequel je voulais insister, c'est que Donc des et puis bon, d'autres aspects dont je ne parle pas maintenant, donc qui composent, disons, le tableau de cette dynamique actuelle de crise. Donc des épisodes d'une violence inédite auxquels il faut se préparer. Alors évidemment, leur analyse, elle est à différentes échelles. Elle concerne peut-être ceux qui se préparent à vivre sur le plan au niveau des territoires zapatistes. Au niveau national, au Mexique, et là encore une fois, le contexte, c'est celui qui s'est créé au Mexique depuis Ayotzinapa, depuis le mois de septembre dernier. Et évidemment, c'est aussi au niveau global qu'ils font ce diagnostic, donc ils nous invitent à continuer à réfléchir sur cette crise profonde de reproduction du système capitaliste, qui est le contexte dans lequel se posent les questions pour nous. Et quelle est la question principale? Ils l'ont redit encore une fois, dans ce contexte-là, la question principale pour nous tous, et donc pour la Sexta, dans la mesure où elle commence à exister, c'est de nous organiser, et ça c'est le message qu'ils n'arrêtent pas de répéter au fil des différentes initiatives qu'ils ont prises depuis quelques années. Il y a différentes manières de le faire, évidemment, le débat s'ouvre à partir du moment où on dit ça, mais rien n'est possible pour nous si nous ne sommes pas capables de nous organiser. Voilà, et je vais juste finir en mentionnant quelque chose, une des choses qui m'ont le plus ému au cours de cette rencontre, et en particulier au cours de l'hommage que j'évoquais en commençant, l'hommage à Luis Villoro et à Galeano, puisque au cours de cet hommage, plusieurs proches, à la fois de Luis Villoro et de Galeano, ont pris la parole, et notamment Mariano, qui est l'un des fils de Galeano, donc assassiné à la Realidad le 2 mai de l'année dernière, et donc qui a parlé de manière tout à fait impressionnante et qui a dit notamment que son père lui avait laissé trois familles. L'une, c'est sa famille de sang, c'est sa mère, ses frères et sœurs. La seconde, c'est le ZLN. Et la troisième, c'est la Sexta. Et évidemment, quand on entend ça, on se dit, voilà, quelle est notre responsabilité à nous d'être à la hauteur de ce que Mariano a dit ce jour-là. Et c'est aussi extrêmement révélateur de l'attente. Ça veut dire que Galeano avait dit ça à son fils. Et à un moment où pour nous, on se demande, mais c'est quoi la Sexta en fait? Personne ne sait ce que c'est, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Heureusement qu'on ne cherche pas à définir davantage. Bon, après, ça n'empêche pas de s'organiser, de se reconnaître dans cette idée de la Sexta, comme on a commencé à le dire ce matin. Et ça veut dire qu'il y a donc déjà au moins un an, peut-être un peu plus, Galeano avait parlé à ses enfants et avait pu dire ça de la Sexta. Donc ça donne une idée, me semble-t-il, de l'attente de la part des zapatistes sur ce point, et aussi de la présence effective chez les zapatistes en général de cette dimension internationale, parce que la Sexta, à la différence de ce qui s'était fait avant 2012-2013, où il y avait une sorte de séparation entre les formes d'organisation proposées au niveau du Mexique et au niveau international, la caractéristique de la Sexta nouvelle manière, donc depuis 2013, c'est effectivement la perspective d'un réseau planétaire de lutte qui ne distingue pas ce qui concernerait le Mexique d'un côté et le reste du monde de l'autre. Et donc, pour les familles zapatistes qui sont engagées dans la construction de tout ce dont on parle depuis ce matin, cette perspective de la Sexta, donc, qui suppose une mobilisation nationale et planétaire, est quelque chose qui est extrêmement présent et important pour eux. Voilà. Merci Jérôme. Donc, ça va, hein, vous patientez, il y aura un échange tout à l'heure, mais on va d'abord faire le tour ici et essayer de voir si ce n'est une cohérence, bien sûr, mais qu'est-ce qui peut se dessiner, s'entrevoir, pour, si j'ai bien compris, aujourd'hui c'est un premier pas, une première tentative de réponse, aussi modeste soit-elle, à cet appel du séminaire. Donc voilà, c'est un appel grave, important, comme on le voit, et il faut que tout cela, ici, on puisse réagir, s'écouter et échanger. Alors peut-être, Fernanda Navarro, comme je demande à tout le monde, tu vas te présenter comme tu le veux, comme tu penses que c'est important de te présenter ici en France. Ça, c'est le plus difficile. Je suis simplement... j'aime beaucoup être ici, j'ai étudié ici, mais je dois dire qu'après 1990, j'ai fait un virage dans ma formation professionnelle. C'est justement à cause des zapatistes, parce que j'ai tourné la tête à mes origines et j'ai vu que je ne connaissais pas la moitié de mes origines, quoi. Alors, puis j'ai vu des choses très importantes au niveau d'études et je vais en parler un peu après. Mais sur le séminaire, là, c'était formidable à cause de la qualité des personnes qui ont participé. Et j'ai commencé là par dire que c'est la pensée critique, c'est le nom, et devant l'hydre du capitalisme. Bon, la pensée critique, très bien. Ça, c'est fondamental, mais pas assez, je crois. Parce qu'il ne faut pas seulement penser, mais agir. Si c'est une pensée qui nous mène à une action, ça, c'est ce que nous devons chercher. Et les zapatistes, dans leur structure linguistique dont je parlais tout à l'heure le matin, prend ça au sérieux. Et ce qui n'a pas une pratique, la théorie n'a pas de sens. Pour eux-mêmes, la pratique est avant, et puis on réfléchit sur cette pratique qui existe déjà, et après on développe une sorte de théorie, ou ce qu'on appelait autrefois le praxis, qui inclut les deux parts. Pourquoi je dis qu'il faut pas seulement penser, mais une pensée qui te montre un chemin pour agir, pour changer les choses vraiment. C'est parce que ce que vivons au Mexique maintenant, c'est indescriptible à cause de la violence et de toutes les choses qui arrivent avec la classe politique et le narcotrafic, etc. Je dis que nous ne pouvons pas offrir en silence à ce gouvernement, à cet État qui est vraiment un État criminel. On ne peut pas l'offrir notre silence simplement. Ça serait une irresponsabilité. Ça te laisse un malaise pour toi-même, non? Alors, ça c'est une chose. Il ne faut pas offrir à ce gouvernement que je ne sais pas comment il est là. Oui, on sait à cause de tous les mensonges et la voie électorale ne marche plus. Chez moi au moins, je peux parler du monde entier, mais je crois que la partidocratie, comme nous l'appelons, est déjà arriérée, enfin, ce n'est plus actuel. Et bon, les autres choses, déjà, tout a bien dit Jérôme. Mais je veux dire, ce que représente pour nous les Mexicains et au-delà de nos frontières, le zapatisme qui a déjà survécu en nous donnant beaucoup d'espoir aux Mexicains. C'est une source d'espoir, d'oxygène pour quelque chose à croire et pas seulement la désillusion qui est une maladie qui fait que beaucoup de gens n'agissent plus. Tu réponds, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Et puis, conduire une vie tellement individuelle. Et ça nous rapproche à ce que nous disions ce matin, la communauté, que c'est si difficile effectivement à faire dehors, parce que c'est à microscale, cette communauté, cette collectivité, où le « nous » se pratique beaucoup plus que le « je », le « moi », l'individualisme capitaliste, néolibéral surtout. Et, il y aurait beaucoup d'autres choses à souligner, d'apportation du sabbatisme. Par exemple, le concept de pouvoir, que c'est aussi... c'est pas simple de dire, c'est pas unilatéral, c'est ce que je veux dire, parce qu'il y a d'autres façons de l'affronter. Mais ce qui a fait un scandale lorsqu'ils ont dit nous ne luttons pas pour avoir le pouvoir central, hein, ça a causé. La gauche et la droite ont dit mais ils sont fous, qu'est-ce qu'on peut faire sans pouvoir? Et alors ils ont silencieusement dit et qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire avec le pouvoir? Est-ce que dans l'histoire nous connaissons un étage sans barbarie causée par le pouvoir? Sans la barbarie, et nous vivons justement une barbarie. Comme exemple, en Amérique latine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais un exemple tragique, c'était Nicaragua, où les lutteurs, ceux qui donnaient leur vie pour changer le gouvernement horrible de Nicaragua, et puis quand ils l'ont pris, les lutteurs, une fois là au pouvoir, ils se sont conduits comme les autres qui avaient autrement avant le pouvoir. Enfin, alors il y a quelque chose avec le pouvoir qui ne marche pas, c'est le vénéno. Alors, mais il y a d'autres choses, que ce n'est pas le thème central, donc je ne vais pas m'arrêter trop. Sûrement, il y aura beaucoup d'autres choses intéressantes à écouter, mais je peux dire que je me félicite d'être née dans cette époque, et pas dans un siècle avant ou un siècle après, juste le siècle où le sabbatisme surgit, parce que ça me donne une autre évaluation de la vie et que je vais mourir sabbatiste. Merci. Merci Fernanda. Alors, on entend ce nous depuis ce matin, et Fernanda qui est linguiste nous a expliqué combien, en plus dans les langues mayas, ça prend encore plus de sens avec un nous qui dépasse l'humain aussi, puisque tout le monde est sujet. C'est très important. Mais il y a un nous, en tout cas ici, je vais parler pour le français, qui malheureusement exclut parce que il définit un E, E-U-X. Il y a nous et eux. Et je ne peux pas m'empêcher, au moment où on parle de concret et d'action, et où de ce côté-ci du monde, j'ai le sentiment et l'expérience petite, mais quand même, qu'on ne fait que penser, que réfléchir, que produire de la pensée critique, passionnante, profonde, généreuse, porteuse d'espoir, mais qui n'amène pas à l'action. Et qui même, me semble-t-il, mais là je n'engage que moi, retarde l'action. Je n'ai pas dit empêche, mais voilà. En tout cas, décompose le chemin, on n'est pas entendu, on voit même une sorte d'effroi et de panique, parfois, chez ceux qui pensent. Et donc il y a ceux qui pensent, nous, à nous, et puis eux, ceux qui agissent. Mais, toujours dans l'action et le concret, il y a une manif à 14h ici, là, quelque part, à la manif devant la mairie de Montreuil, il y en a d'autres partout en France, pour ceux qu'on a définis comme eux, les migrants, par exemple, à qui on a enlevé, bizarrement par ce « nous » qui représenterait des migrants, en train de marcher, migrants, c'est actif, hein. Ils ne s'arrêtent pas, comme les oiseaux migrateurs, c'est leur vocation, j'ai entendu, les mots sont importants. On a enlevé le « je », mais pas pour en faire un « nous » solidaire et actif, mais pour en faire quelque chose qui n'est pas humain, pour le coup, puisque nous, on ne met pas du sujet sur tous les objets, ce ne sont plus des humains, c'est cette chose, les migrants, qui nous permet de les laisser mourir, de les combattre, de les humilier dans nos pays ou entre les frontières des différents pays d'Europe. Donc on voit comment la langue ici est complexe si on veut s'inspirer, mais parce que nous n'avons pas la même langue. Mais il faut aller loin pour dire ça, parce qu'on est prisonnier des mots aussi. Et tous les jours, ça, c'est très récent qu'on parle des migrants. Jusqu'à il y a quelques mois, on parlait des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile, des sans-papiers, c'est-à-dire des gens qui étaient dans une démarche avec du droit international qu'il faut les protéger, etc. Et puis tout d'un coup, quoi. Voilà. Donc c'est toujours un « nous » qu'on essaie de nous inculquer, qui définit des « eux », mais non pas pour nous intégrer, mais pour nous exclure, voire nous combattre. Alors, c'est une longue transition pour donner la parole à Carmen Castillo, pardon. J'ai dit que je ne serais pas modératrice seulement. Hein. Parce que sa vie, son œuvre, j'allais dire, mais ses films, et particulièrement le dernier, c'est du nous sur les gens qui luttent, nous qui luttons, mais pas nous en France, au Chiapas, voilà, nous partout. Elle a fait, bon, sur pas le monde entier, mais quand même un grand tour. Et en ça, son film est porteur d'espoir, là, pour le coup. Mais on voit combien la réception du film est compliquée, justement, à cause de ce nous. Parce qu'il y en a qui veulent réintroduire du jeu. À toi. Merci, Aline. On se regarde, on est sur scène, nous. Ici, et il m'arrive de me poser exactement j'ai la même sensation depuis le 29 avril où j'accompagne un film sur l'engagement politique aujourd'hui. Donc je suis Carmen Castillo, j'appartiens à la génération des militants des années 60-70 en Amérique latine, donc les mouvements guevaristes armés qui ont compris, le MIR au Chili, très vite, qu'il s'agissait d'être avec le mouvement social et non pas un appareil armé séparé du peuple. Donc, nous, en tout cas, notre formation est une formation qui a accueilli tous les exemples, depuis la Commune de Paris ou depuis les grands mouvements révolutionnaire de l'historiographie et qui était source d'inspiration pour inventer. Je dis ça parce que il me frappe toujours à quel point quand on cherche à inventer, en réalité ce qu'il faut faire, c'est se saisir des expériences et les transformer à partir de cette pratique. C'est-à-dire que La pensée, bien sûr, on l'a répété depuis maintenant, on le sait, la pensée naît des anonymes en lutte. Et dans ce film dernier, On est vivant, j'ai constaté que dans les quartiers nord de Marseille, puisqu'on est en France, et je veux revenir à cette histoire posée par l'un d'entre vous, qui parliez des banlieues, à quel point là, un collectif, quartier nord, quartier fort, où il y a trois femmes et Mohamed, mais les trois femmes, Fadela, Karima et Fatima, pensent la cité, l'action politique, inventent un imaginaire et tiennent, malgré la votation Front National, malgré les Kalachnikov, malgré etc., cette cité vit. Donc j'ai pu l'approcher, la filmer, habiter, rencontrer des jeunes poètes qui, pour accéder à un imaginaire autre que celui de l'enfermement dans la violence, dans le non-droit, dans l'inégalité, avaient fait quoi ? S'étaient réunis dans une petite agora comme ça, tenue par Karima, et avaient vu, écouté d'autres expériences. Ils se sont mis à relire Fanon, ils se sont mis à étudier Bakounine, ils se sont mis à étudier la Commune de Paris, ils se sont mis à voir la véridique légende du sous-commandant Marcos, que j'ai eu le privilège de pouvoir faire ce film en octobre 1994. Donc ces personnes réfléchissent à leurs problèmes à partir de leur action difficile, inimaginable de comment il est difficile. Fadela a 30 ans, elle porte une mini-jupe, elle a les cheveux longs, les boucles d'oreilles, et elle discute comme ça parce qu'elle veut porter dans la cité le fait qu'on peut être aussi non-voilé. Mais la question du voile, bien sûr, n'est pas la question de la cité. Dans la cité, la question est le non-droit, l'inégalité, la pauvreté, la misère, le jardin en friche d'espoir, d'espérance. Et qu'est-ce qu'il fait Daouda quand il a 12-13 ans et qu'il tourne autour de cette agora, qu'il commence à entendre des voix, les voix des poètes, bien sûr, qui sont là parce que les poètes résistent dans les sombres temps, et ils montent au toit de la cité. Ils s'échappent, c'est interdit. Ils montent au 20e étage, là-haut, dans le toit, il voit les oiseaux, il voit l'horizon. Et Daouda, aujourd'hui 24 ans, c'est un leader dans cette cité. Il s'occupe des enfants des rues dans le centre-ville de Marseille. Et c'est la beauté même de l'engagement. C'est-à-dire que la pensée existe. Le problème, c'est que cette pensée, bien sûr, n'est pas accueillie, ni écoutée, ni transmise par ceux qui détiennent le pouvoir. C'est-à-dire, la classe politique va là-bas pour essayer d'enlever des votes au Front National, mais bien sûr, ils ne votent pas. Ou s'ils votent, ils ne votent pas. Provocation pour le Front National. Donc, on est dans un cercle vicieux, c'est plus la question. Mais s'ils veulent faire de la politique, mais on a bien compris qu'ils ne veulent plus politiser la classe politique, ils veulent plus, ça ne leur convient pas. Vous parliez ce matin des émeutes de 2005, mais j'ai étudié à fond Clichy-sous-Bois. Les émeutes en 2005 ont politisé la cité. Il n'y aura plus d'émeutes comme ça. Il peut y avoir des affrontements, il peut y avoir des cris, des rébellions, mais comme ça, ça a été un baptême, une fête, un instant où on a cassé tout ce qui ne marche pas. Parce que comme l'école ne marche pas, comme la bibliothèque ne marche pas, comme rien ne marche, ils ont tout brûlé. Donc moi, à l'époque, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, je dois dire, et on revient aux itinéraires, je viens d'une génération, donc que par. Heureusement, on était reliés aux pauvres. Au sans logis, au sans terre, c'est ça la politique du MIR. Le sujet révolutionnaire était les pauvres, ceux qui n'avaient rien. Et on disputait la classe ouvrière au Parti communiste, donc, etc. Bon. Une fois que notre religion de l'histoire, la nôtre de ma génération, s'est effondrée, et la cristallisation, c'est la chute du mur de Berlin, beaucoup, beaucoup d'entre nous sont partis. Ils ont renoncé. Surtout parce qu'ils se sont fait avoir par les mirages d'une globalisation heureuse. Donc, il n'y avait plus tous les mots, et Armand Madelard va vous en parler, des choses qui ont disparu de la conscience. Lutte de classe. Moi, j'aime bien revenir, depuis que les sapatistes m'ont ouvert l'horizon, parce qu'il faut voir que ça voulait dire, pour nous, pour ma génération de militants, assister à l'effondrement. Donc il fallait remettre là une structure de pensée à partir des ruines. Même si on était total et complètement anti-stalinien, même si on avait tout étudié sur la contre-révolution de l'URSS soviétique, contre-révolution, mais ça ne suffisait plus, Lénine, Marx. On revenait, bien sûr, à Rosa Luxembourg, à Victor Serge, on essayait de nous promener avec des choses, mais il fallait bâtir des nouveaux échafaudages. Et voilà l'émergence sapatiste. Moi, j'adore entendre Jérôme, tous ceux qui connaissent, qui ont étudié cette expérience, les sapatistes, répéter que c'est une longue histoire. Parce que quand je parcours la France, et le film commence bien sûr avec les sapatistes, c'est une citation de voilà le moment où la cristallisation d'un nouveau projet, d'un nouveau horizon de sens, comme appelle Oscar Oliveira, le leader de la guerre de l'eau et les femmes indiennes de Bolivie, l'horizon de sens, il nous le faut pour bouger. Bon, ici tout semble bouché, on reviendra. Mais je voulais simplement dire que, bien sûr, ils ont cristallisé des choses qui existaient déjà. La lutte des sans-papiers, la lutte des, le DAL est né un petit peu dans ces fin des années 80. Donc on est le moment où surgit le sapatisme, ça cristallise pour le monde entier que les sans-papiers, les sans-logements, les chômeurs sont à l'intérieur du mouvement social porteurs de lutte. Mais donc il fallait réinventer les outils. Et se souvenir, se rappeler que les sapatistes ont passé 10 ans, viennent des naissances des fins des années 70, tu disais une date précise, Jérôme, 69. Bon, de là, c'est-à-dire que la longue durée, la transmission, accepter les défaites, accepter qu'on se trompe, prendre les bifurcations, par là on y va, bon ça marche pas, on refait comme ça. Ça c'est fondamental, puisqu'on ne peut pas, nous ici, cet après-midi, en nous regardant, dire que tout ça est facile. Bon, déjà on a commencé à évoquer que c'est très difficile. Donc, pour accéder à ce... Moi j'adore qu'on Anne-Marie... Jérôme Fernanda rappelle la cesta, non? La cesta. La cesta, c'est magnifique. On peut y aller. Et on peut y aller, on peut y être, même si on ne se connaît pas, si on ne fait pas le voyage physiquement. Rappelez-vous qu'on peut voyager à travers les rencontres qu'on fait réellement ici. Donc, bon. Et ce que je voulais pour finir dire, c'est que dans la longue durée, au moment de l'effondrement de notre religion de l'histoire basée sur le progrès, le fait que la révolution adviendrait à l'échelle de nos vies. Moi, j'ai vécu la défaite du MIR, le coup d'État chilien, la mort, la disparition de mes amis, la défaite politique. La transition démocratique au Chili est une transition à l'espagnol. C'est une trahison au mouvement social de résistance. Donc, ce n'est pas notre projet. Voilà. même si je venais en 76 en arrivant, en m'établissant en France, même si je venais d'une défaite, d'une douleur, je savais, à ce moment-là, je croyais que nous allions gagner, que nous allions vaincre. Résistance sociale ouverte et armée contre la dictature. Donc, moi, comme vous, et tous, j'espère, ceux qui sont nés après nous, donc les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, qui n'ont pas connu tout ça, qu'est-ce qu'on va leur raconter ? Le problème, c'est toujours comment on raconte, qu'est-ce qu'on raconte ? Donc, on peut dire, on vient de loin, on a subi des défaites réelles, des morts, on a subi des... Hein, on a quand même continué. Et pourquoi on a continué ? Moi, je n'ai pas continué parce que j'ai un culte à la mort ou au zéro ou au sacrifice. Non, j'ai fait l'expérience de l'exil en France avec tout ce que la France m'offrait. Et j'ai détruit la survivante. J'ai détruit toute nostalgie. Il fallait. Parce que sinon, on crève. Bon. Là, j'ai rencontré les femmes, le féminisme, j'ai fait une autre vie, j'ai eu des enfants, j'ai continué. Donc, la fidélité à ce qu'on porte depuis très tôt, quand on rencontre ceux qui souffrent, eh ben, c'est tout simplement celle qu'on peut réinventer parce qu'on est toujours et à jamais du côté des opprimés. Voilà, je crois que c'est là le truc. Il y a ce « eux » et « nous », comme tu dis Aline, ici on essaye de nous séparer, même nous. Hein, ce matin on disait, c'est quand même dingue, on est très peu nombreux, ceux qui sont organisés en collectif, et on se dispute, on s'insulte. Et donc, il faut commencer par savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce que nous portons dans les collectifs, en nous rappelant que les sapatistes répètent à l'infini cette question. Parce que j'entends beaucoup dans le parcours que je fais avec le film en province, petite ville et tout, j'entends beaucoup ce discours, eh bien l'insurrection vient, elle est là. C'est spontané. Eh bien, je dis toujours attention. Et oui, il y a un moment où l'étincelle de l'histoire, la surprise arrive. Il y a un moment. Mais il est toujours soutenu par des militants qui ont traversé le temps, qui ont traversé et fait connaître des pensées, qui sont restés dans l'ombre. Il y a toujours le travail lent, difficile. C'est pas du tout on s'assoit et on attend. Et donc le travail que nous devons faire ici pour faire partie à notre manière, puisque c'est ça qui est beau d'un mouvement qui existe déjà, parce que Jérôme a écrit ce livre magnifique « Adieu au capitalisme », donc la crise, il faut toujours analyser dans quel monde on vit, donc on sait que cette crise est là, mais on sait aussi que les forces qui s'y opposent à la destruction de la planète, au problème de la crise économique, chômage, etc., ben que la lutte est, le veuille-t-il ou non, radicale. Et il n'y en a pas une autre. Dans la lutte radicale, bien sûr, il y a des formes qui prennent selon les pays et les situations, donc... Concrètement, par rapport à Syriza, par exemple, je ne suis pas de celle qui vient critiquer Syriza parce qu'il négocie. Non, non, ce chemin, il est long, il faut tout le monde, et il faut être attentif toujours à là où on est et à la conscience des gens avec lesquels on vit. Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que les citoyens, qu'est-ce que mon voisin supporte ou pas de mon discours ? Donc le mot anticapitalisme, vous verrez certains dans le film, il est utilisé très clairement le mot capitalisme à un moment du film, à un moment, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on dit, non, à ce moment-là quand on le prononce. etc., etc. Je m'étends beaucoup, mais c'était juste pour dire que dans ce que je ressens dans les profondeurs de France, nous vivons en ce moment un moment très, très difficile, un recul, une dépression, une immense tristesse, fatigue, et que, bien sûr, on a besoin de se retrouver pour rêver ensemble. Voilà. Merci, Carmen. Peut-être on va passer la parole, comme tu l'as évoqué tout de suite. Vous voulez parler à la fin, je crois. Oui, vous préfériez. D'accord, pardon. Mais si vous avez le droit de changer d'avis aussi, hein, on improvise. Je parlerai à la fin. Vous voulez parler à la fin, vous parlerez à la fin. Alors peut-être passer la parole à Virginie, qui était elle aussi au séminaire. Ah non, tu n'y étais pas, toi, au séminaire. Bon. Mais par contre, oui, voilà, ça y est, le lien, ça y est, je l'ai. À travers l'organisation... comment ici concrètement on essaie de faire face et de combattre une ou plusieurs têtes de cette hydre capitaliste. Donc je ne sais pas, peut-être nous dire un mot de ton point de vue à toi. De mon point de vue, moi, enfin, à toi, dans l'organisation comité, ouais. Du comité CLSC. Je parle plutôt en tant que comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, qui effectivement est une assemblée ouverte qui existe depuis 20 ans. On se réunit tous les mercredis dans les locaux de la CNT à 20h30. Donc c'est une assemblée ouverte qui a été créée en février 95 en lien direct avec les apatistes, et l'un des fondements, ou en tous les cas de ce qui a réuni les gens et les bases sur lesquelles on se retrouve, c'est l'idée de pouvoir être non seulement solidaire avec les apatistes, mais donc d'entendre le message des apatistes qui, depuis 1994, à leur façon, et avec des et qui, justement, c'est une question d'étape, avec des propositions différentes, mais c'est quand même toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils se sont soulevés en déclarant la guerre et en disant que les autres peuples devaient pouvoir aussi se soulever et faire une analyse de la situation. Ça fait longtemps qu'ils demandent qu'on réfléchisse à ce qu'on est en train de vivre, à ce que ça veut dire de remettre justement un vote dans une urne et d'élire des gens qui disent vouloir, etc., etc. Voilà. Bon, tout le monde connaît la petite histoire. Et je pense que ça fait 20 ans que les apatistes nous demandent de réfléchir, nous demandent de nous organiser. En 96, on le rappelait ce matin, ils ont organisé... la première rencontre contre le capitalisme et pour l'humanité, et à chaque fois il réimpulse avec toujours cette volonté de réunir des gens qui seraient capables de pouvoir justement analyser la situation et d'entrer en action, ou en tous les cas ceux qui entrent en action, de pouvoir aussi partager cette expérience. Et le comité a essayé justement de faire des ponts et des liens entre les luttes, avec les sans-papiers, avec le personnel qui travaillait à Accor, les femmes de ménage qui étaient en grève et en résistance, de pouvoir être aussi solidaire d'autres luttes au Mexique, d'autres luttes ailleurs, même en Afrique, où on a déjà pu recevoir des Nigériens qui luttaient contre les mines. Répondre aussi aux appels des apatistes sur une conférence autour de la question de la terre, de comment on n'est pas seulement dans des luttes urbaines, la question de la terre et du territoire, c'est à poser, qu'on soit dans des milieux ruraux ou urbains. Et donc le comité a toujours essayé d'impulser des rencontres, avec, comme on est une assemblée ouverte, forcément, des fois, l'impossibilité de pouvoir vraiment mener jusqu'au bout ces rencontres, et que ces ponts puissent être plus solides et pouvoir amener vers... des chemins plus grands, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on répète systématiquement. On a aussi eu l'occasion, par rapport justement à la Sexta Internationale, eu l'occasion de s'organiser au niveau européen. Il y a au niveau européen des luttes autour des grands projets inutiles et imposés. Il y a eu des forums qui ont été organisés où les luttes ont tout intérêt à justement se rencontrer. Le comité essaye de s'inscrire dans cette démarche, d'essayer de pouvoir... ouvrir des espaces de discussion quand c'est l'occasion, de rencontres Et je pense aussi de pouvoir être en contact avec les gens de Tamerlan, parce que ça passe aussi par la culture. C'est tout, on peut passer par plein de biais pour essayer de se rencontrer et d'avancer. Et je pense que c'est important, effectivement, de se rencontrer et de faire des choses ensemble, chacun son mode. Et ça, c'est notre vraie difficulté, c'est accepter que l'autre peut faire quelque chose de très intéressant sans qu'on puisse partager tout à fait sa vision et son procédé. Nous, en tant que comité, on avance, parfois on ne réussit pas. Là, avec les événements d'Ayotzinapa, il y a eu par exemple des choses qui ont été faites où justement on a essayé de travailler ensemble. Peut-être du fait de la situation urgente, on n'a pas le temps de débattre des heures et de s'écouter, de se regarder le nombril. Je pense que c'est effectivement la question de pouvoir penser qu'il faut y arriver collectivement, mais peut-être chacun son mode aussi. Ça, et je pense que c'est comme ça le monde zapatiste, celui qu'ils espèrent, c'est un monde qui puisse contenir plusieurs mondes. C'est-à-dire, évidemment, il ne s'agit pas de faire tous la même chose, mais par contre de tous mettre en œuvre là où on est et selon son mode des actions qui puissent nous rapprocher, nous rendre plus forts et solidariser. Et je pense que la copine ce matin parlait de l'idée de pouvoir justement créer une réunion sexta francophone, ce qui pourrait justement prendre en compte aussi peut-être des Belges, etc., etc. Il est parti le copain là. Et du coup, on a justement donc laissé une petite feuille pour ceux qui voulaient s'inscrire pour essayer de voir comment on pouvait discuter ensemble pour organiser quelque chose. Mais je pense que la sexta, ce qu'on sait d'elle, c'est quand même l'idée d'être en bas et à gauche, c'est-à-dire donc de régler la question des pouvoirs politiques et de la question du pouvoir, c'est-à-dire de ne pas regarder là-bas, donc c'est-à-dire de se préoccuper déjà en bas et de construire quelque chose déjà à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est la base de la sexta et c'est pas rien. Et donc il y a quand même déjà 10 ans qu'il y a des gens qui avancent, il y a des choses qui avancent, et je pense qu'on est toujours un petit peu sur les traces que les zapatistes, les chemins ouverts par les zapatistes, et en même temps nous aussi on a avancé. Si on repense à ce qu'on pensait il y a 20 ans ou à ce que d'autres pensaient, on a quand même cheminé en essayant de se questionner. Il est peut-être temps de prendre au sérieux cette question maintenant, là aujourd'hui 2015, justement avec tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont pas là encore, parce que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui seraient intéressés à partager ces espaces-là, justement sur la question des violences policières. La dernière fois, on a pu faire des choses intéressantes avec des gens, des collectifs comme Urgence Notre Police Assassine, etc. Et je pense que c'est effectivement non pas leur dire ce qu'ils ont à faire, mais ce qu'ils nous disent qu'on a à faire, mais par contre être à côté d'eux quand ils se manifestent, pouvoir être à leur côté, apprendre de leur processus, découvrir justement ce qui se passe dans les quartiers dont on a peu de visibilité si on n'y est pas, si on ne vit pas. Et je pense que bon, ça c'est des démarches qui ne sont pas personnelles mais qui doivent être menées collectivement en fait, du coup. Et bon, après s'il y a un matériel, du coup ça peut permettre aussi de discuter, d'ouvrir des débats. C'est des occasions des fois aussi de créer des débats en fait, de partager, voilà, des spectacles. Ils font travailler des jeunes dans des quartiers dits difficiles, stigmatisés, etc., etc. Enfin, et du coup de sortir autre. Et donc voilà, c'était, j'étais pas du tout au festival, donc je suis pas plus à même que je partage de ça avec vous, et en vous invitant du coup à suivre suivre la suite des événements. Mais c'était pas un problème de pas être au festival. Non, c'est non, mais je le précisais. La pour, question. Non, oui. Non, mais pour dire qu'en termes d'analyse, du coup, on. J'y avais pas plus. Alors, on va donner la parole à Miguel Escobar. Alors, moi, tu présenteras plus si tu veux, mais du point de vue, alors là, de l'université. On est dans la pensée, a priori, en tout cas ici, de ce côté-là du monde, c'est comme ça qu'on réagit, plutôt. Comment tu articules pensée, action, pensée critique, action, voilà, en tant qu'à la place qui est la tienne. Voilà, merci beaucoup. Et à l'origine, je n'avais pas pensé à participer à côté de ceux et celles qui ont fait de son option idéologique et politique une praxis révolutionnaire. Mais en tant que professeur à l'Université nationale autonome de Mexico, quand même, j'ai eu l'occasion de travailler ici à Genève avec Pablo Freire, qui a écrit La pédagogie des opprimés. Alors, avec lui, j'ai toujours eu l'occasion de savoir qu'il ne faut pas penser la théorie, mais il faut penser la pratique, c'est-à-dire il faut qu'il devienne praxis. Alors, le défi, quand je suis rentré au Mexico, comment est-ce qu'on peut faire avec les étudiants une praxis? Parce qu'on est dans les salons de cours. Mais on a réussi à les faire, on a trouvé avec la pensée de Paulo Freire, qui était très proche de Paulo Freire, à identifier des concepts très clairs. Par exemple, rêve, utopie, l'ombre introjectée de l'oppresseur. Comment est-ce qu'on pourrait dire la sombre introjectée de l'oppresseur? L'ombre introjectée de l'oppresseur. Comment est-ce qu'on pourrait lire la réalité? Parce que Freire disait la lecture du monde est antérieure à la lecture de la parole. Alors, comme je sais que vous ne venez pas ici pour une exposée théorique des salons de cours, alors j'ai fait des photocopies comme ça des personnes qui sont intéressées et puis plus ou moins regarder qu'est-ce qu'on a fait. Mais j'aimerais vous dire, en sachant qu'ici il y a Armand Fatela, parce que moi j'ai eu la chance de retrouver au Mexico à Gloria Muñoz. Gloria Muñoz, qui a été très proche des communautés zapatistes, qui a créé Desinformémonos. Il m'a mis en contact avec le comité de solidarité avec le peuple de Chiapas. Alors, c'est grâce à eux, et après avec les grands des SAP, que j'ai réussi à construire cet espace qui est un espace de l'université. Alors, c'est-à-dire qu'on peut et on doit identifier et prendre les espaces parce que les espaces sont là. Et si on les laisse dehors, bien sûr, l'université en général est très réactionnaire. Mais si on est, on peut faire des choses si belles que ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, qu'est-ce qui serait l'idée principale? Pour moi, je vous invite à faire, si on est dans les salles de cours, une praxis. Ma praxis est que les étudiants font une action directe. Premièrement, on l'a fait avec Paulo Freire, on a fait des séminaires de Paulo Freire à niveau international. Mais maintenant, si on parle de Freire, on parle de zapatisme. C'est-à-dire, pour moi, pour comprendre Freire, il faut comprendre les zapatistes. On ne peut pas comprendre Freire sans comprendre la lutte concrète des zapatistes. Alors, ce sont des séminaires, comme les zapatistes disent aujourd'hui, sont les germoires pour s'aimer l'option. C'est pour ça que j'ai parlé de Tamaranton, il donne l'option. Il faut donner l'option aux étudiants de faire une autre chose, de faire des choses différentes. Alors, je suis d'accord avec Fernanda que le zapatisme, c'est pour nous l'espoir de la lutte, parce qu'au Mexique, on serait vraiment dans la tristesse, dans la douleur, dans la dépression, c'est-à-dire on déprime. Mais le zapatisme nous donne la force pour dire, voilà, on peut faire des choses et on est près de vous. Près de vous, c'est-à-dire, on ne va pas imposer rien, mais on est prêt. Et bien sûr, les différents sous-commandants et Marcos est né à la faculté de philosophie et lettres. Et quand j'étais là, je disais, voilà, pour moi, être ici, c'est la joie, en tant que je suis colombien, mais en sachant que Marcos a né à la faculté de philosophie et lettres. Alors, c'est-à-dire qu'il faut revenir sur l'espace du salon de classe, mais en même temps, on doit avoir l'option, la possibilité, comme le comité qui m'a aidé à mettre en pratique cet espace. Mais on ne peut pas rester ici. C'est-à-dire, si on fait, pour finaliser, pour finir, si on fait de la pensée critique, comme disait aussi Fernanda et Jérôme, la pensée critique, ce n'est pas une pensée critique, ce n'est pas proche d'une action directe. Ce n'est pas pareil. On reste dans la théorie. Et pour faire ça, il faut bien identifier des concepts. Alors, je crois qu'au Mexique, j'étais obligé à travailler la psychanalyse sociopolitique. Et ce qui se passe au Mexique, mais dans la globalisation capitaliste, c'est que c'est un système infanticide. Je dis aux étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait que ton père va te tuer? Et le système capitaliste, c'est un système infanticide. Il faut le nominer comme il est. Mais le plus grave, la perversion capitaliste, c'est qu'ils font l'infanticide, mais en jetant les fils, les filles, à s'entretenir entre eux. C'est-à-dire, on fait les fratricides. C'est un système infanticide et fratricide. Et voilà, c'est ça qu'on voit ici avec la tempête qui arrive en Europe. La migration sont les frères qu'il faut jeter dehors et on a dans les structures émotionnelles de chacun nous, on veut tuer les frères. On a une excuse pour tuer les frères et ça s'appelle fratricide, mais c'est ça, les racistes à ses racines dans les fratricides. Alors, si on comprend ça, il y a un autre concept qui est très important. Les médias, aujourd'hui, ils travaillent une conduite psychopathique. C'est-à-dire, ils nous donnent des nouvelles pour nous tromper. Et la conduite psychopathique n'a pas de sentiment de culpabilité. Et aujourd'hui, le pouvoir est psychotique. Elle est dehors de la réalité. Il s'habite dans la réalité virtuelle. Il ne comprend rien de ce qu'il ne veut que le pouvoir. Alors, si on comprend bien ça, on voit que les médias vont nous tromper notre façon de penser et ils vont nous immobiliser pour ne pas agir. Alors, finalement, le plus intéressant chez les zapatistes, c'est qu'il y a les concepts aussi de héros. C'est-à-dire, il y a Thanatos, mais il y a l'espoir qu'on doit retrouver parce que déjà dans les communautés zapatistes, ça existe héros. Mais comme disait Jérôme, ce n'est pas une chose déjà faite. Ce que nous a bien appris le sous-commandant Moïse, c'est la réalité réelle de qu'est-ce que veut dire organisation. Parce que quand on est dans la théorie, on définit théoriquement qu'est-ce que c'est l'organisation, mais le sous-commandant Moïse, il nous a montré qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on doit construire et reconstruire toute la possibilité de construire un autre monde. Alors, en synthèse, c'est ça que j'aimerais vous partager, mais je profite pour dire que Armand Matelar, c'est qui a créé le centre d'études sur les médias, les technologies et la transnationalisation, et que c'est un honneur aussi de savoir qui est lui, avec son engagement, il est ici pour montrer que malgré qu'il n'y a pas toutes les personnes de CEMTI qui devraient être ici pour partager avec nous l'importance des zapatistes, ben, c'est la réalité de la salle de classe. On travaille pour 5, 2% des personnes qui puissent s'engager. Alors, merci, c'est important. On parle à la salle de classe, là, c'est nous. Et des médias, il se trouve que nous, dans les médias officiels d'État, France Culture, Radio France, on est jugés chaque jour à l'audimat, au podcast maintenant, hein, c'est-à-dire est-ce que vous téléchargez ou pas nos émissions. Et que du coup, moi, ça me fait du bien de savoir qu'on peut réfléchir de manière profonde, joyeuse, j'espère quand même, et riche, en étant peu nombreux. Parce que si nous aussi, on devait ne se réunir qu'à condition que nous soyons dans des salles comme le Zénith, on voit ce que ça donne comme forme de pensée et de société. Donc moi, c'est plutôt... moi, je ne désespère pas qu'on ne soit pas si nombreux. Alors, on peut toujours le regretter dans l'objectif de notre lutte. Ça, c'est autre chose. Mais peut-être qu'on peut imaginer, on nous l'a rappelé, enfin, Jérôme, ce matin, au début, ils étaient 6. quand il crée. Mais les gens ne veulent pas le croire, ça. Hein, donc, voilà. Je voudrais dire, avant de laisser la parole à Armand Matelard aussi, que autour de cette table, Colombie, on a évoqué la Bolivie, le Chili, mais Armand Matelard a à voir aussi avec le Chili, et Fernanda aussi, puisqu'il a travaillé avec Allende, si je ne m'abuse. Hein. Donc, avec le mouvement social. Avec le mouvement social, mais sous un moment politique plein d'espoir, hein, à l'époque, pour ma génération. Tu parlais de génération tout à l'heure, Carmen. Voilà, moi, les premières manifestations que j'ai faites, c'était pour Carmen Castillo et sauver et lutter contre, enfin dénoncer les agissements du coup d'État de Pinochet. Et puis, ça devait être avant, pour une grande figure qui était condamnée à mort aux États-Unis, qui était Angela Davis. Voilà, on a chaque génération, effectivement, ces luttes-là. Et là, on se retrouve tous, et on n'est pas les vaincus. Ou alors, si on est les vaincus, c'est que les vaincus sont les vainqueurs, puisqu'on est toujours là, nous, quand même. On continue, sinon, on serait ailleurs aujourd'hui. Il fait beau, je ne sais pas, voilà, on serait mort. Mais non, on est là, malgré nos morts, et avec nos morts, et ça, c'est très important aussi. Donc voilà, je voulais dire ça, avant de vous laisser la parole, parce qu'il me semble qu'il fallait montrer qu'on n'était pas qu'une succession de gens avec des légitimités individuelles pour être là à vous parler avant d'échanger, mais qu'il y avait une légitimité collective selon les âges, les générations, mais, et les continents même. Donc ça, c'est assez génial quand même. Oui, c'est d'autant plus important parce que moi, je suis parti au Chili en 62, en septembre 62, j'en suis sorti en septembre 73, expulsé par la junte. Et c'est important de rappeler ça, parce que moi, quand je suis parti au Chili, j'étais un idéaliste, j'étais un jeune d'une génération tiers-mondiste, et c'est au Chili que j'ai appris finalement à devenir, à disons, à avoir le sens politique et le sens géopolitique dans mon appréhension du monde et du développement qu'on appelait à ce moment-là. Et donc, je suis tout à fait redevable du mouvement collectif qui m'a porté à partir fondamentalement de la fin des années 60 et durant la période qu'on appelle de l'unité populaire, disons, qui m'a émancipé finalement de tous les stéréotypes bourgeois sur, par exemple, la communication, les médias, etc., puisque c'était mon domaine. Au Chili, j'ai travaillé depuis 60 dans une équipe avec ma compagne Michel qui est ici, une autre compagne qui vient de mourir au Mexique comme exilée, hein. Ma belle Piccini. Nous avons travaillé sur les médias d'abord pour essayer de montrer pendant la période avant l'unité populaire comment finalement la droite complotait déjà et construisait déjà un modèle de renversement d'un gouvernement populaire qui pouvait finalement se présenter dans les années suivantes. C'est ce qui est arrivé. Et ensuite, sous l'unité populaire, nous avons participé à de nombreuses initiatives pour essayer de redresser cette vision des médias complètement superstructurelle qu'avaient la plupart des médias que possédait la gauche. Je crois que l'expérience chilienne m'a montré que s'il y a un vide, s'il y a un impensé gigantesque dans la pensée finalement de l'émancipation, c'est précisément la question des médias. La question des médias. Et aujourd'hui, progressivement, on s'aperçoit que même les citoyens commencent à se rendre compte qu'il est nécessaire pour eux de s'en emparer, de les approprier, pour mieux dire. Alors, suite à cette trajectoire, disons, longue en Amérique latine, je me permets, en tant que passeur entre l'Europe la France et, disons, et l'Amérique latine, en grand mot, là, Amérique latine, le sous-continent, je me permets de rappeler que, disons, le zapatisme est aussi, disons, ne peut se regarder, ne peut s'interpréter qu'à l'intérieur d'une vision de longue durée de l'histoire de l'Amérique latine. Et lorsqu'on me parle de la Escuelita, etc., il est évident que pour moi, qui ai vécu près de Paulo Freire, dans la même institution qui s'occupait de la réforme agraire, il est évident que tout ce qui a été essayé de faire au niveau de l'école et de la formation a des, disons, des reflets. C'est-à-dire que je crois que le zapatisme est aussi recueil à un moment donné, disons, toute une histoire de la résistance et de l'émancipation en Amérique latine. Je crois qu'il apporte beaucoup de choses. Il apporte beaucoup de choses. La première chose qu'il apporte, selon moi, c'est que c'est la première fois que l'acteur, l'agent social, les acteurs sociaux indiens commencent à prendre la parole dans une stratégie d'émancipation. Il faut quand même rappeler que 5 ans, même pas 4 ans, avant que ne n'émerge publiquement le zapatisme, il y a eu quand même au Nicaragua, la question des miskitos. La question des miskitos qui montrait totalement une doctrine vis-à-vis des différences dites ethniques complètement traditionnelles et même réactionnelles. J'ai à ce moment-là été aussi au Venezuela, j'ai vu concrètement comment finalement une grande bataille idéologique et culturelle s'est perdue aux côtés lorsqu'ils ont traité la question des miskitos comme finalement une question tout à fait instrumentale sans se rendre compte que les miskitos avaient une histoire très contradictoire, mais avaient une histoire. Alors donc, je vous rappellerai aussi que, disons, le zapatisme et finalement met à exécution ce que réclamait dans les années 20 par exemple, un penseur latino-américain, oui, d'origine péruvienne, de nationalité péruvienne, qui est José María Mariátegui. Mariátegui, finalement, posait toutes ces questions de l'Indien, dans les sociétés andines, là, comme un acteur du changement social. Et disons, pendant des décennies, finalement, Mariátegui... même s'il était, disons, de la même époque que l'Italien, le théoricien et philosophe italien Antonio Gramsci, finalement, on lisait Gramsci, mais on ne lisait pas Mariátegui. Bon. Ceci dit, en quoi, c'est une vision tout à fait personnelle qui me vient, finalement, de conversations et d'expériences personnelles. Je crois que un des premiers apports, disons, au niveau de la pensée critique du zapatisme, c'est sans doute, finalement, l'anticipation de ce qui allait se passer dans le monde au niveau des logiques de mondialisation. J'ai relu un texte avant de venir ici, un texte du sous-commandant Marcos sur pourquoi finalement le zapatisme finalement était aussi intéressé à lier des rapports internationaux avec ce qu'il appelait les postes de résistance dans le monde. Je crois qu'il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est « Nous sommes à la veille d'une quatrième guerre mondiale, ou troisième, je ne me rappelle plus, quatrième guerre mondiale, et cette guerre mondiale Et cette guerre mondiale est une guerre qui sera une guerre sémiotique. Une guerre sémiotique. Et disons, qu'est-ce que ça veut dire guerre sémiotique ? Ça veut dire que nous allons devoir nous interroger et rendre du sens aux mots. Je crois que c'est très important, ça. Parce que je crois qu'effectivement, nous avons vécu pendant longtemps sur des langues de bois. Et il me semble, personnellement, que justement, un des apports du sabbatisme, c'est peut-être d'ouvrir l'horizon sémiotique. Et ça rentre en communication avec ce que disait Aline à l'entrée de cette table ronde. Alors, ce qui est intéressant, et ça, unissant théorie et pratique, parce que c'est très important, ça, dès le début, même si on peut en discuter, c'est qu'ils commencent leur rébellion dans un contexte ultra concret. C'est, comme l'a rappelé un des intervenants ce matin, c'est effectivement le contexte de la construction de la NAFTA, ou bien l'ANENA, comme on dit. C'est un des premiers pas de l'Empire américain pour inclure le Mexique dans le complexe économique américain. Ça, je crois que ça a été fondamental. Et c'est tellement important ce fait-là que, disons, le Pentagone a très bien compris que finalement, cette rébellion zapatiste, il a tellement bien compris que tout de suite, le zapatisme est devenu un agent à partir duquel ils ont réfléchi sur la nécessité de contrer les nouveaux types de mouvements sociaux mondiaux. Et c'est pas pour rien que, si vous lisez les premiers textes des penseurs, entre guillemets, militaires du Pentagone, vous voyez que le zapatisme occupe un grand espace dans leurs réflexions. Et parallèlement, et pourquoi ça ? Parce qu'aussi, et c'est aussi l'extrême modernité du zapatisme, il est un des premiers, bien avant les révolutions arabes, à utiliser l'Internet. Et l'Internet fait entrer automatiquement dans la géopolitique électronique, ou dans la cyber-géopolitique. Et donc, ce sont des éléments fondamentaux. Ensuite, il y a une chose qui vient du marxisme, et qui continue à être marxiste, un marxiste hétérodoxe, comme j'ai été toujours. Je crois qu'il y a dans le zapatisme quelque chose de nouveau par rapport à finalement le vieux ou le nouveau marxisme. C'est que je crois que le zapatisme réalise ou fait accéder au réel l'idée d'utopie. L'idée d'utopie, je crois, mais il réhabilite la notion d'utopie. Parce que je crois que dans l'approche marxiste classique, historiquement, il y a eu un mépris pour les utopies. Si vous relisez les textes d'Engels ou de Marx, l'utopie est contrastée avec la science, avec le scientifique. L'utopie, c'est finalement le royaume des rêves. Et ce qui est intéressant de le zapatisme, c'est qu'il montre que une utopie, l'impossible est possible, et donc que finalement nous ne pouvons pas nous contenter de dresser des stratégies pour prendre le pouvoir, mais qu'il fallait commencer à construire finalement le mode de vie quotidien que nous désirions finalement construire pour l'humanité ou pour le monde, ou pour le monde des mondes. Bien. Alors, je vois que c'est très important, ça. Ça va. Alors, il y a une chose qui me paraît importante et que j'ai oublié de dire et qui me paraît fondamentale, c'est que dans les antécédents dont je vous parlais, Maria Tilly, etc., il faut quand même rappeler un fait essentiel en Amérique latine, c'est, disons, l'aboutissement, un premier aboutissement de la longue marche des Indiens en Amérique latine dans les années 70. Dans les années 70 sont fondamentales dans la prise de conscience en Amérique latine des multiples ethnies, parce que je ne parle pas des Indiens en général, je crois selon des modalités chaque fois très différentes. Alors, en fait, cette table ronde est aussi une table ronde pour penser le lien entre notre réalité, la réalité française et européenne, et la réalité telle que la vivent les apatistes là, au Chiapas, mais aussi l'ensemble des opprimés, l'ensemble des opprimés. Moi, quand je suis arrivé en France en 73, ce qui m'a frappé, c'est, disons, l'importance des réseaux de solidarité avec le Chili, etc. Mais au niveau de la société, ce qui m'a frappé fortement, c'est l'incapacité au niveau des élites et au niveau de la classe intellectuelle, de l'intelligentsia, l'incapacité à penser l'international, à penser l'international. On pensait l'international quand on pensait soit comme souverain et comme dominant dans l'international, comme puissance dominante. Et ça m'a beaucoup frappé, ça. Et moi, qui avais beaucoup travaillé sur les médias internationaux, j'ai eu l'occasion, pendant plus de 25 ans où j'ai enseigné à l'université la communication internationale, je me suis rendu compte combien il était difficile d'introduire la question internationale dans le débat. Les Français, la culture française recèle un élément qui l'empêche finalement, qui l'a empêché et continue à l'empêcher à finalement découvrir, d'avoir une vision du monde géopolitique et même sensitive qui est celle que l'on a aujourd'hui. Je crois qu'il y a aujourd'hui, dans le refus finalement de considérer de façon structurelle et fondamentale la question des migrants, il y a vraiment un refus historique à avoir pensé l'international. Et aujourd'hui, on le pense à un moment où précisément les indices sont nombreux, où finalement on se rend compte que l'Occident, et la France en fait partie, l'Occident est en train de perdre finalement sa souveraineté sur le monde. Et je crois que c'est très important de réfléchir là-dessus. Je crois, et c'est ce qui m'intéresse aussi dans le zapatisme, je crois que nous avons un immense chemin à parcourir, qui est finalement de discuter, de débattre et de parler entre nous sur cette question internationale. Et en essayant d'écouter ce que les autres pensent finalement aujourd'hui de la mondialisation. Petite parenthèse. Moi, j'étais militant d'ATTAC longtemps, je suis toujours membre de l'ATTAC, mais ce qui m'a surpris, c'est finalement le manque de définition de la notion qu'ils utilisaient de mondialisation, globalisation. Vous imaginez ce qui est arrivé avec le mouvement contre la globalisation néolibérale, c'est qu'ils nous ont, finalement, ils nous ont exproprié en langue française, ils nous ont exproprié d'un langage qui nous appartenait. Vous savez comment les journaux de la presse libérale nous appelaient en France ? Les anti-mondialisations. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est une contradiction. Le terme mondialisation est un terme qui a été construit par le mouvement solidaire et solidariste à la fin du 19e, et qui, disons, dont la base était l'idée de solidarité entre les peuples. Alors c'est très intéressant. Dès le début de nos protestations contre le modèle de la globalisation néolibérale, nous nous exprimions avec des termes qui ne nous appartenaient pas. Et ce qui est intéressant, c'est précisément la précision du discours ou de l'intervention des apatistes sur ce terme. Alors, pour terminer, je dirais, oui, je vous ai parlé de l'international parce que ça me tient beaucoup à cœur et je crois que réellement la question de la compréhension de ce qui se passe dans le monde est de plus en plus aujourd'hui fondamentale pour voir comment une idée du monde aujourd'hui se répand à travers nos journaux, ce que nous lisons, nos revues, etc. La façon dont on regarde les guerres du Moyen-Orient, la façon dont on voit la crise de l'Ukraine, etc. Il est important d'avoir une vision de l'international qui nous permet de résister à des interprétations de ce qui se passe dans le monde qui sont complètement biaisées, qui sont occidentales, occidentalisées. Je crois que c'est très important. Alors, une dernière chose, c'est ce que disait, et là, de ce point de vue-là, je suis, et même d'autres points de vue, je serais tout à fait en affinité avec ce que disait Carmen. Je crois que nous vivons dans un moment, pour utiliser un terme un peu compliqué, de désidéologisation de nos représentations. Et je crois que l'accélération des technologies de communication et d'information et finalement a accéléré cette désidéologisation. Ce qui a fait notre force, au cours des années 60 et 70, c'est un terme, une notion, un concept. Un concept, le concept d'idéologie. Le concept d'idéologie est un concept qui a servi à justement démystifier toutes ces doctrines, toutes ces théories qui voulaient imposer une vision particulière du monde comme si elle était universelle. Aujourd'hui, il est difficile de repérer dans le langage ordinaire une notion d'idéologie qui soit connectée avec cette vision critique. La vision critique dans le sens imposer une pensée particulière comme une pensée universelle. Alors, moi je crois que il faut oser le dire. Je crois que, disons, beaucoup de choses étaient déjà données dans la désidéologisation à partir des années 70, que l'on pense aux dits nouveaux philosophes, mais je crois fondamentalement qu'il faut aller plus loin. Je crois que le néolibéralisme, qui commence selon moi réellement à partir de l'année 84-85, avec la déréglementation, la dérégulation des marchés financiers et des télécommunications, je crois que à partir de cette dérégulation sauvage et la montée en force de la seule raison qui compte, la raison individualiste, s'est construit finalement un nouveau type anthropologique d'individu. un niveau type anthropologique d'individu. Et je reprendrai ici, finalement, c'est un terme qui est vieux comme le marxisme critique, le terme de Rosa Luxembourg, qui disait, la phrase de Rosa Luxembourg, qui disait « À tel régime d'accumulation du capital correspond tel type de personnalité. » Et je crois que la difficulté pour nous, parce que nous sommes tous, moi je ne suis pas en dehors du jeu finalement, on est tous dans le jeu, on est complice en fait de cette société de consommation qui, comme le disait Fernanda, nous consume, je crois que le problème, c'est précisément, pour sortir de ça, je crois que c'est aussi l'éducation. C'est aussi la discussion collective sur, finalement, quelles sont les données, en ça je continue à être très matérialiste, les données matérielles du contexte dans lequel nous vivons. Parce que je crois que de plus en plus, je vais sortir mon couplet là, de plus en plus je crois réellement que les médias sont d'une légèreté, sont d'une superficialité, sont d'un biais qui finalement empêche sans doute la majorité de la population de percevoir où sont les véritables enjeux aujourd'hui de ce processus qui est formidable, la communication entre les peuples, mais en même temps un processus qui finalement se veut global, mais qui fragmente, comme disait dans son speech de 97 le sous-commandant Barton. Merci. Merci, Armand Maria. Alors, voilà, on vient de... Là, sur les médias, je donne la parole tout de suite, mais ça évoque immédiatement, il y a quelques semaines, 3 semaines, toute la journée, tous les flashs, toutes les infos, c'était, c'est génial, on a vendu je ne sais combien de rafales. Et c'était terrible parce que c'était toute la journée et les gens étaient heureux et moi j'avais des gens qui disaient oui mais c'est super, on va avoir du boulot, ça va donner du travail. Et à un moment donné, je ne sais plus avec qui je parlais, je disais mais si on vend des avions de guerre, c'est bien qu'il faut qu'il y ait la guerre, sinon on ne peut plus les vendre. Donc d'une certaine manière, quand Hollande va vendre des rafales et faire signer, il y a notre diplomatie, je ne sais plus comment elle s'appelle, le ministre là, qui derrière soutient, fomente peut-être, en tout cas soutient des guerres, pour qu'on puisse derrière vendre les rafales. Mais ça, on le dit, les médias ne le disent jamais, c'est juste cocorico, génial, on vend des rafales. Mais ça, bon, on pourrait trouver 50 000 exemples. À vous, à nous, tous. On a une demi-heure. Je voudrais reprendre la conclusion sur les médias. Je peux partager, mais en même temps, le rôle des médias, on a quand même vu le rôle, on doit le relativiser quand on a vu ce qui s'est passé pour le référendum en 2005. Tous les médias, 90% des médias, étaient pour le oui. Pour la Constitution européenne. Et malgré ça, c'est-à-dire grâce justement à ce type de débat chez les gens, dans les villages, dans les villes, le non l'a emporté. Ça veut dire que les médias, c'est pas un pouvoir qu'on a au-dessus de nous, c'est quand même quelque chose qu'on peut maîtriser, mais ça pose le problème, effectivement, de tous les médias, la formation des journalistes, enfin la critique des médias, etc. Moi, je voudrais juste poser une question. Je ne sais pas comment l'amener, c'est par rapport à Jérôme, à la participation au festival. Bon, j'en avais discuté un peu avant avec lui, et il m'a dit, je m'étais félicité, mais en même temps je me suis posé la question. Les Kurdes avaient été invités à s'exprimer, c'est pas au festival, c'était... Hein? Les Kurdes, ils étaient bien au festival. Au séminaire, c'était pas au festival, au séminaire, c'est encore plus important. Donc sur leur expérience... On a tous vu les Kurdes qui battent Daesh à Kobané, etc., qui ont une démarche dans les mots d'autonomie, homme-femme, tous les pouvoirs, c'est partagé, le maire, il y a un maire homme, un maire femme, etc. Mais en même temps, quand j'entends que les zapatistes, quand même, se méfient beaucoup à la fois du pouvoir, des partis, etc., et les Kurdes, il faut quand même le savoir, d'après ce qu'on voit, quand on les fréquente à Paris et ailleurs, sont très encadrés politiquement. Ils ont un parti qui les encadre, c'est très structuré. Il y a une hiérarchie, c'est vraiment le type du parti qui encadre tous les mouvements qui luttent pour l'autonomie dans leur région, que ce soit en Turquie, en Syrie. Et ça m'a un peu étonné qu'ils soient invités. Alors peut-être c'est pour un échange d'expérience, mais j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur ce qu'on peut attendre ou ce qu'on peut avoir d'un échange entre les Kurdes, l'expérience kurde et les zapatistes. Moi, c'était juste une remarque sur la question des médias. Il faut voir en France qui sont propriétaires des médias. C'est principalement, d'après ce que j'ai pu comprendre, des grands groupes d'armement. Donc, il y a une vraie. C'est terrible, mais il y a une vraie logique. Parce que quand on vend des rafales, on ne va pas parler de la guerre. Parce que forcément, les gens qui en parlent, c'est des groupes. C'est des grands groupes industriels et des groupes d'armement qui achètent les médias aujourd'hui. Et qu'on a très peu de médias qui, à part, je ne sais pas, peut-être Mediapart, Le Canard et Le Monde Diplo, voilà, ils sont très peu. D'ailleurs, Mediapart a beaucoup insisté sur le fait de à qui appartient Mediapart. Je sais pas tous les noms, mais Dassault, Lagardère, c'est quand même eux. S'ils investissent dans les médias, c'est pas pour rien. Ça sert à ça. Juste un mot qui est beaucoup utilisé là-bas, automédia. On en parlait ce matin, oui, justement, qu'il fallait différencier les médias commerciaux et les médias. Alors, on va faire un petit tour. La présence des Kurdes. Alors, effectivement, c'était des représentants du Parti des travailleurs kurdes qui étaient présents et d'autres gens qui en sont proches. Simplement, on va pas discuter effectivement des Kurdes ici, mais à partir de cette structure et à partir de l'histoire du PKK, on sait qu'ils ont fait un virage complet et que ce qu'ils défendent maintenant, c'est la construction du confédéralisme démocratique, dont on peut considérer que c'est une forme politique extrêmement proche de l'autonomie telle qu'elle se construit dans les territoires zapatistes. Bon, après. Ça veut dire aussi que les zapatistes ne sont pas absolument sectaires, ils n'ont pas uniquement invité des gens qui ont exactement les mêmes conceptions qu'eux. Par ailleurs, troisième élément, le ZLN en tant que tel est toujours une organisation extrêmement structurée et hiérarchisée, qui n'a pas disparu dans la mesure où elle est toujours engagée dans un conflit ouvert avec les structures fédérales mexicaines. Mais ce que promeuvent les zapatistes dans la pratique, c'est la construction d'une politique non étatique qui a rompu avec la logique des partis, qui a rompu avec la politique d'en haut, qui a rompu avec la centralité de l'État. On peut dire que le PKK, à sa manière, d'une manière un peu différente qu'on peut évidemment critiquer, font un parcours qui présente certaines similitudes avec cette trajectoire que les zapatistes ont fait eux aussi. On parlait de CQFD à l'instant, il y a un très bon reportage sur... comment ça se passe au Kurdistan dans l'avant-dernier numéro de CQLD. Je voudrais rajouter que dans ce parcours à la recherche des anonymes en lutte que j'ai fait donc pendant ces derniers 4 ans, le zapatisme est exactement perçu, et tu l'expliques Armand très très bien, comme le moment où, même si le mot n'est pas employé, parce qu'ils ont réinventé un langage, on sort de la litanie des mots du pouvoir complètement. Et ça, John Berger nous l'aurait dit cet après-midi à sa manière extraordinaire, non ? John Berger a écrit ce texte que tout le monde doit lire partout dans le monde, qui s'appelle « Entre-temps, Réflexion sur le fascisme économique. Ce livre a été publié dans la même collection que Indigné de Stéphane Hesel. Il l'a écrit après avoir étudié historiquement la situation, les évolutions du capitalisme du monde, et il arrive à définir le monde où on vit dominé par un fascisme économique. Donc le mot, il le réfléchit, c'est pas une consigne, c'est pas une métaphore. Il dit, sans parler métaphore, essayons de comprendre, de voir, de prendre conscience qu'on habite dans une prison planétaire. Donc, où le langage tenu par le pouvoir, les médias, les divertissements, etc., etc., est un langage incantatoire pour nous endormir, nous rendre à la servitude volontaire de la domination et ne plus rêver une sortie utopique, hein, puisque c'est eux qui nous condamnent quand on veut. Parce qu'on est humain, parce qu'on est des êtres humains, nous rêvons. On veut nous enlever nos rêves parce qu'ils seraient illusoires, parce qu'il n'y aurait pas une autre manière de vivre que le capitalisme. Eh bien, si on écoute, dit-il, ses rêves, ses murmures, cette nouvelle langue qui est pleine de rire, pleine d'humour, sans aucun sectarisme, parce que quand les sapatistes emploient le mot démocratie ou le mot organisation, ben c'est ça qu'il faut qu'on étudie. Voilà. Donc, les mots, il faut les reprendre. Et il faut les mettre ensemble pour créer une chanson des possibles, mais en sachant que nous habitons dans une prison planétaire et que chacune de ces expériences collectives des prisonniers qui résistent constitue notre force. En définitive, là où le pouvoir est impuissant, c'est parce qu'ils ne savent pas du local. Ils ne savent pas, mais malgré toute leur surveillance, malgré le fait qu'on doit être, bien sûr, surveillé par leur électronique, ils ne savent pas ce qui se passe au fond des nuits des territoires, là où nous sommes, là où on peut échanger. Ils sont là-dessus aveugles. Donc, la difficulté qu'on trouve en ce moment de la domination, c'est que effectivement il y a, comme dit Armand, un changement anthropologique qui s'accélère de plus en plus avec la révolution technologique qui vient. Il faut commencer par réfléchir tout à nouveau. Et ça, le sapatisme a commencé avant même qu'on prenne conscience que n'importe laquelle de nos luttes devait, comme insiste dans sa préface Jérôme, dans son livre Adieu au capitalisme, lutter et créer. Ça suffit plus de s'indigner, ça suffit plus de dire ya basta. En même temps, il faut faire les deux choses. Puisque, effectivement, ce qui vient, ce qui est en train de venir, c'est qu'ils attrapent tout. Ils ont attrapé nos mots et ils attrapent aussi nos luttes. Le capitalisme se fait maintenant sur la crise écologique. Un banquier répondait à Naomi Klein, mais nous on est déjà en train d'inventer la technologie qui va protéger les États-Unis de la couche d'ozone. On est déjà en train d'investir sur les trucs alternatifs. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos petites luttes, nos petits gestes quotidiens doivent être portés avec la conviction qu'ils sont universels, ces gestes quotidiens. On s'attrape de cette résistance de création quotidienne de l'autonomie des communautés zapatistes dans un territoire, et bien quand nous on fait des petites choses, il faut qu'aussi on sache qu'elles ont l'envergure d'une lutte radicale anticapitaliste. Le mot, on peut se le garder pour nous, puisqu'il va faire peur. Mais bon, on inventera un autre qui sera de l'ordre des lucioles dans la nuit. Moi, je parle beaucoup de lucioles dernièrement parce que je trouve que ça dit bien ce qu'on peut parfois être, des lucioles dans la nuit, on ne nous voit pas. Mais voilà, et insister donc que le zapatisme dans toutes ces luttes que j'ai filmées pendant 4 ans est une référence. Et que de cette référence, beaucoup de fois, on tire le fil du lyrisme et on oublie la longue durée, l'organisation, la défense. C'est passionnant, par exemple, de discuter sur le zapatisme dans les cités des banlieues, sur les armes. C'est passionnant. Parce qu'ils le voient, les jeunes. Ils sont armés. Ils ne les ont pas rendus. Et donc, on peut parler là-dedans. Alors, je vous dis, parce que j'ai fait l'expérience, on peut travailler dans les cités sans avoir besoin d'y vivre. Ce n'est pas des ghettos. C'est-à-dire que si on rentre avec les collectifs qui travaillent, on peut aller présenter des films, on peut présenter des expos, on peut débattre, c'est-à-dire que ce n'est pas des lieux qui nous sont fermés. C'est des lieux, et je l'ai dit à Notre-Dame-des-Landes, je le dirai n'importe où, et il faut y aller, quoi, parce que la classe politique les a oubliés, elle les a effacés, ces territoires, l'extrême gauche les a abandonnés. Et bien nous, si voulons créer des territoires où la pauvreté, le désarroi est là, allons-y pour justement trouver la manière, comme dit Armand, d'expliquer dans quel monde on vit et ceux qui subissent le pire. Ta mère entend, le fait. Moi, j'ai beaucoup compris et connu des cités en étant avec vous à Mantes-la-Jolie. C'était les cités les plus dures. Donc là, j'ai bien compris ce que le mot misère voulait dire. C'est Christine qui me l'a expliqué. Donc voilà, c'est pas nous. Et, tu vois, ce nous qu'il faut créer, mais il faut aussi que nous, on bouge à travers nos moyens, hein, nos réseaux, et qu'on investisse des territoires qu'apparemment sont complètement en proie à une seule chose, la barbarie. Merci. Je réfléchissais sur cette question des médias et j'ai l'impression qu'il y a une chose quand même très importante par rapport à tout ce que vous avez dit et qui, moi, me semble frappante, c'est qu'il existe... alors, ça va peut-être vous paraître un peu... Enfin, j'ai en tête une citation de Guy Debord, telle que je l'ai comprise, et en même temps, elle me semble très parlante. Dans le monde du spectacle, réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Comment je le comprends ? Ça veut dire que dans le cadre, moi, tel que je le comprends, après vous pouvez peut-être avoir d'autres analyses, tel que je le comprends, c'est que dans le cadre du monde du spectacle, c'est-à-dire du monde médiatique, de la présence permanente de toute forme de médias, hein, je parle aussi bien de bouquins que de films, que d'Internet, etc. On peut avoir des moments d'apparition de quelque chose qui va sembler intéressant, vrai, effectivement, et qui va être, du coup, tout est quasiment une relecture, une réinterprétation, une conformation active du réel qui conforme les esprits et qui a, à mon sens, un pouvoir énorme. Et effectivement, on peut faire exister des choses. Et vous avez défendu l'un et l'autre, enfin, notamment, je pense à Mme Matelard et à Mme Carmen, j'ai oublié votre nom, Castillo. Mais Moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a de plus, on peut aussi bien, moi j'ai déjà vu des gens changer leur propre interprétation du réel parce qu'ils avaient vu autre chose à la télé. Et donc, pense autre. Et je crois qu'on n'est pas non plus exempt, même quand on fait des reportages super intéressants ou des bouquins super intéressants, de produire ce même effet-là. Et qu'à la fin, la seule chose qui me semble vraiment forte, en termes d'éventuels médias, le média comme vecteur, c'est l'humain. C'est ce que nous, on peut porter, et c'est ce que nous, on peut faire exister. Et c'est pour ça, à mon sens, que le zapatisme, actuellement, est une sacrée étoile dans mon ciel, parmi, il y en a d'autres aussi, mais une sacrée source de force et d'imaginaire. Mais j'ai l'impression que le meilleur vecteur, et celui qui est à portée de tous, c'est pas chacun à écrire un truc sur Internet, c'est chacun peut faire exister le monde, les mondes, dans lesquels il croit et dans lesquels il peut mettre de la force. Et je pense que c'est vraiment, à mon sens, c'est une des choses les plus importantes par rapport à la perspective d'une lutte contre l'hydre, justement, c'est que juste il y ait quelque chose partout, et partout en même temps. Et qu'on se considère, je pense, par exemple, sur la question de la liberté d'expression qui a été tellement défendue depuis quelques mois, qu'un des corollaires de la liberté d'expression, telle qu'elle est conçue justement médiatiquement, c'est qu'elle est absolument sans conséquence. On peut tout dire, mais surtout pas le faire exister. Et c'est peut-être bien justement là-dessus qu'il y a quelque chose qui peut être très intéressant, c'est de faire exister ces mondes dans lesquels on peut croire. Et à mon avis, il y a quelque chose comme une espèce de force virale là-dedans. Donc là, moi je retombe sur le début de vos interventions qui était celui de la praxis. Comment est-ce qu'on peut faire exister des choses, les interpréter avec des gens, plutôt que de parler avec les opprimés, je dirais avec des gens qui pensent au nous, qui pensent au nous en tant que ce nous n'est pas dominateur sur les autres, mais qui pensent au nous plutôt qu'au jeu. Et comment faire exister ces choses-là, comment les partager, comment les interpréter ensemble, revenir dessus, et que ce soit effectivement cette pluralité de monde. Mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose de très très fort là-dedans, qui, dans la perspective. Imaginez demain, le zapatisme se fait écraser. Je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, je n'ai aucune envie, mais imaginons, on va perdre une sacrée étoile, justement. Il faut faire exister ça partout. Et à mon avis, quand on dit la Sexta, moi j'entends derrière ça la même chose, qui est une lecture très personnelle, j'en parlais ce matin, mais que le slogan ZAD partout. Pour moi, c'est pas forcément ce qui a pu exister comme ZAD. C'est plutôt la possibilité partout de faire exister, d'être conséquent, d'exister au nous, et de faire exister des choses qui se pensent à une autre échelle qu'individuelle. Et moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui nous manque gravement aujourd'hui, et que on est plutôt pas si nombreux que ça, et qu'on gagnerait justement à faire exister des choses qui soient rejoignables, et qui puissent être analyser ensemble, interpréter ensemble, sur lesquels on puisse revenir, sans tirer sur le voisin en distribuant les bons et les mauvais points, parce que juste ça va pas, c'est pas assez pur, c'est pas assez anarchiste, c'est pas assez communiste, ou que sais-je, faire exister un foisonnement de choses comme ça. Et du coup, moi, il y a une invitation aussi que je peux lancer à tout le monde, c'est celle de sortir du bois. C'est celle que j'ai envie aussi pour moi, pour l'autre. C'est il y a des choses qui sont construites un peu partout, en France, ailleurs, à Kobané, au Mexique. Mais on n'est encore pas assez nombreux, et là-dessus, je crois qu'on a quand même construit des choses, et qu'on peut rayonner de tout ça, et qu'on a vraiment des choses à porter. Et que du coup, voilà, moi, à mon avis, pour les perspectives de lutte, c'est quelque chose qui me semble très riche. Okay. Alors, excusez-moi pour la longueur. Non, non, je vais redonner la parole à Armand, parce qu'il voulait réagir. C'est vrai qu'on n'a pas, si ce n'est répondu, hein, c'était pas une question, mais on n'a pas embrayé sur la question des médias. C'est une bonne question, la vôtre. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Non, je crois que, disons, je me permets de dire que les sociétés ont les médias qu'elles méritent. C'est dur, mais c'est comme ça. Je crois qu'à partir du moment où les citoyens, finalement, acceptent ce genre de médias, finalement, il a toute légitimité. Il a toute légitimité. C'est très, si je dis ça, c'est parce qu'il y a une autre expérience précisément en Amérique latine. En Amérique latine, je crois qu'un des points importants dans les luttes, dans les luttes culturelles et idéologiques actuelles, c'est quand même la réflexion sur les médias. Sur les médias, par exemple, au Mexique, c'est très net, vraiment l'offensive de nombreux secteurs à l'intérieur de la gauche, mais même au-delà de là, chrétiens, etc., contre le monopole de la télévision. Parce que c'est un véritable monopole. C'est un monopole de monopole. Et donc, il y a quand même, disons, c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs pour interroger ses propres médias. Non pas que qu'il s'agit de transférer, mais je crois que c'est très important de regarder ce que les autres peuvent poser comme question aux médias pour les changer. Peut-être pas pour les changer, mais pour les remplacer. Vous comprenez ? En Amérique latine, aujourd'hui, c'est un combat très important, un combat évidemment très contradictoire. Très contradictoire. Il suffit de regarder ce qui se passe aussi bien en Argentine ou, selon certains, au Venezuela. Alors, c'est, disons, je crois que ça demande, la réponse n'est pas simple. Et je crois que la réponse, on ne peut la donner qu'à partir aussi de la réflexion d'autres personnes travaillant sur des objets concrets, sur des situations concrètes. Sur des situations concrètes. Il me semble. Le problème, c'est que je crois que l'expérience française en matière de critique des médias, et je crois qu'il y en a d'autres qui seraient plus aptes que moi pour développer sur ce sujet, est difficile. Il y a effectivement des associations, des organisations de critique aux médias qui durent depuis un certain temps. D'autres associations ont essayé de se mettre en place. Et je me rappelle très bien un numéro de Val, c'est Charlie, attaquant radicalement ce type d'expérience en disant les commissaires politiques arrivent. Les commissaires politiques arrivent. Alors le problème est là, c'est que toute analyse critique des médias, à partir des citoyens organisés, est susceptible de cette critique finalement. Finalement, ce sont des organismes de censure. C'est-à-dire que finalement, un autre point de vue sur le média est interprété comme censure. Et là, c'est une représentation collective, mais vraiment de canon. Vraiment, il n'y a pas moyen d'aller au-delà. Il n'y a pas moyen de discuter avec ces gens-là. Ils ressortent tout le vocabulaire anti-stalinien, anti-tout-bon, etc. Et là, croyez-moi, tous ceux qui ont essayé de faire, d'essayer d'avancer dans ce sens, sont souvent trop modestes, mais ils sont obligés d'être modestes parce qu'ils sont attaqués systématiquement. J'aimerais vraiment. Caroline, tu as fait une expérience. Oui, j'ai une expérience et en même temps très d'abord parce que j'étais au départ de Acrimed avec Henri Mahler, Patrick Champagne, etc. Que je me suis lassée aussi parce que mais parce qu'on est trop peu nombreux et qu'on était trop attaqués, on a fini que par analyser les grands journaux parisiens et laisser, enfin il y avait une forme de la critique qui devenait parisianiste, enfin c'était assez étrange, mais ça a quand même semé des choses. Et notamment le mouvement des lycéens contre le CPE, on a vu dans les AG les lycéens réfléchir à la question des médias, virer les journalistes et leur dire « Vous n'assistez pas à nos AG parce qu'après vous faites ce que vous voulez de ce que vous filmez ou entendez, mais on viendra vous parler quand on l'aura décidé, comme on l'aura décidé. » Fort de cette expérience, moi j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Évidemment, mes collègues à l'époque disaient « Mais enfin, c'est et la liberté de la presse. Ouais. » Tu parlais là-haut de la liberté d'expression, on est en plein dans cette mythologie, ce fétiche. Et très dernièrement, nous avons eu 28 jours de grève à Radio France, donc au cœur même d'un lieu d'information, des médias, hein, d'un média d'État, qui est énorme dans ses moyens, dans le nombre de ses salariés, de ses chaînes, etc., etc. Et on a subi ça, c'est-à-dire que BFM TV, TF1, hein, tout le monde venait nous filmer, disait n'importe quoi ou nous faisait dire n'importe quoi. Et très vite, j'ai commencé à demander dans les AG, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question de ne pas accepter les journalistes tout le temps comme ça à porte ouverte, mais de ne faire des conférences, enfin, reprendre ce qu'avaient dit les lycéens. Et là, mais ça a été, mais j'ai été, mais vraiment insultée par tous en disant, mais tu es une stalinienne, mais tu es contre la, tu es journaliste et tu es contre la liberté des journalistes. C'est-à-dire que j'avais l'impression que on avait beaucoup évolué dans la société, notamment les lycéens, par exemple, et puis d'autres mouvements d'ailleurs qui savent faire la critique des médias. Les ZAD, etc., essaient de contrôler la parole qu'ils ont envie de donner ou pas aux médias. Et à l'intérieur même de l'appareil média, on était d'un archaïsme total, c'est-à-dire que la question n'était même pas pensée, ni pensable. Et elle est devenue les deux derniers jours des 28 jours de grève. C'est fou, hein. Où là, quand même, à force de voir les effets tous les jours au journal de 20h, etc., un petit nombre a viré BFM TV, France 1, etc. Et il fallait voir la haine des journalistes contre d'autres journalistes. Il y a eu des bagarres physiques contre France Info. Les journalistes de France Info, c'est-à-dire de la même maison, c'est venu au corps. Il a fallu séparer physiquement, heureusement que les pompiers aussi étaient en grève, ils nous ont aidés à les séparer. Non, mais cette question, elle est d'une violence infinie. Donc voilà, moi, je m'arrête là, mais c'est hyper intéressant parce que on voit que la société parfois avance plus vite que les médias eux-mêmes. Alors on peut comprendre pourquoi, hein, Jean-Paul disait tout à l'heure, le recrutement, leur formation, voilà, ils sont complètement, voilà. Et là, c'était terrible de je comparais entre les âgés avec les élèves, les lycéens et les étudiants, ou dans certaines boîtes en grève, et au cœur même de l'information, la question de l'information n'était pas pensée et pas pensable chez nous. C'est quand même... Il y a du boulot, quoi. Je voudrais ajouter une chose, parce que je ne sais pas, mais il me semble, parce que c'est une question vraiment, disons, qui ne touche pas seulement la question des médias. C'est, je crois que, disons, la protestation contre, par exemple, disons, une façon de faire le journalisme, ne peut être, disons, efficace. Et ne peut toucher le public qu'autour d'événements concrets. Je crois que c'est la seule façon. Parce qu'effectivement, comme disait le compagnon là au-dessus, là, je crois qu'on ne peut pas critiquer les médias comme ainsi en général. Il faut critiquer les médias à partir de points focaux qui me paraissent qui permettent de mobiliser un public ou un groupe. Je crois que c'est la seule façon. C'est une leçon de politique, en fait, ça. Sinon, on a, et là je vous rejoins, là, on a affaire à un discours de condamnation des médias, mais disons, c'est stérile. On peut avoir un discours de condamnation des médias, on peut les critiquer, mais disons, la meilleure solution, finalement, pour faire avancer les choses, c'est d'abord de mettre le doigt dans la plaie. Dans la plaie, qui sont des événements. Alors, on en revient.